Jean Bosco, Douiman. Bonsoir et merci d'être avec nous dans ce journal, la dernière édition de ce 16 septembre 2016. Voici tout de suite les grands titres de ce journal. 6 personnes ont été blessées, dont une grièvement, et nombreuses maisons détruites lors d'une pluie torrentielle tombée dans l'après-midi de ce jeudi sur la colline et commune Kabezi dans la province de Bujumbura. Reportage dès le début de ce journal. Plus d'une centaine de familles ont déjà fui leur ménage situé dans le village de Pedonyawigina, en province de Makamba, à cause de la faim. Destination, la Tanzanie. Et en actualité africaine, des militants écologistes ont tenu un rassemblement ce vendredi 16 septembre contre la construction d'un chemin de fer sur une partie du parc national de Nairobi au Kenya. Alors que le Haut Commissariat aux réfugiés de l'ONU, HCR, a indiqué vendredi que plus d'un million de personnes ont fui le Soudan du Sud à cause de la guerre civile qui ravage le pays depuis décembre 2013. Le chiffre total comprend aussi les 185 000 personnes qui ont fui le pays depuis l'éclatement de nouvelles violences en juillet dernier. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Rebonsoir à ces personnes blessées, plus de 70 maisons d'habitation détruites, tels sont les uns des dégâts causés par une forte pluie mêlée de vent violent qui s'est abattu dans l'après-midi de ce jeudi sur la colline et commune Kabezi en province Bujumbura. Le chef de colline Kabezi plaide en faveur de sa population aujourd'hui en situation humanitaire déplorable. Reportage signé Evariste Nzikobanyanga. Plus de 70 familles touchées par ces intempéries campent chez leurs voisins sur cette même colline de Kabezi. Jeannette Ndouimana vivait avec une vieille personne blessée par le mur de la maison qui s'est effondrée. Elle relate le déroulement des faits. Quand le vent a commencé à souffler, la maison a tremblé et aussi enfui vers l'extérieur. La maman avec qui nous étions ensemble n'a pas pu franchir la porte. Elle a été blessé à la tête et au dos. Son mari a été lui aussi blessé à la tête. Nous demandons aux bienfaiteurs de nous venir en aide. Ces habitants en situation humanitaire déplorable demandent une assistance d'urgence. Le chef de colline Kabezi, Albert Ndaizeye, est en train de produire le rapport afin de le transmettre à l'autorité hiérarchique pour que cette dernière plaide en faveur de cette population sinistrée. Je suis en train de confectionner le rapport sur les dégâts occasionnés par ces pluies diluviennes. Je vais les transmettre chez l'administrateur pour qu'elle puisse aller toquer chez les bienfaiteurs. Le conseiller de l'administrateur communal de Kabezi, chargé des affaires administratives et sociales, n'attend que ce rapport afin de l'acheminer vers l'autorité provinciale. Cette dernière va aider à toquer chez les bienfaiteurs, ajoute Félix Pascal Salimana. Après la transmission de ce rapport au cabinet du gouverneur, nous allons toquer à gauche et à droite pour venir en aide à cette population en difficulté, en ce qui est de vivre, mais aussi en ce qui est des tôles pour couvrir leur maison. 6 personnes ont été blessées à cause de ces pluies diluviennes et sont sur le lit de l'hôpital à Kabezi même. À côté de ces maisons de la population détruite, ces intempéries ont emporté la toiture du centre jeune Kabezi, celle d'une classe et d'un bureau du directeur de l'école fondamentale Kabezi 1. Évariste Nzikobanyanga de retour de Kabezi dans la province de Bujumbura. Et 110 familles de 200 ménages qui habitaient le village de Pedonyawigina, commune Nyanzalak de la province de Makamba, ont déjà regagné l'exil en Tanzanie. Certains parmi ceux qui y restent encore évoquent le manque de vivres comme cause de ce phénomène, au moment où le gouverneur de Makamba dit qu'aucune zone de cette province n'est sous menace de la faim. Jean-Pierre Misako. Des herbes et arbustes ont déjà poussé dans et autour de ces maisons appartenant à 710 familles ont regagné l'exil, surtout vers le camp des réfugiés de Nyarugusu en République unie de Tanzanie. Les unes de ces maisons sont déjà détruites, d'autres gardent seulement les tôles sans porte ni fenêtre. Vestine Marionnera, une rapatriée cheftaine de ce village, explique que ces familles ont surtout fui le manque de vivres consécutif au manque de terres cultivables, même si des rumeurs y ont été pour quelque chose. De son côté, Mawenayo Kassim, un résident chef de colline Nyabigina, confirme son manque criant de vivres, mais pour des raisons climatiques. Gadi Niukuri, gouverneur de Makamba, reconnaît que ces familles rapatriées de Nyabigina ont regagné l'exil, mais rejette cette cause de manque criant de vivre. Il indique qu'aucun coin de sa province n'est sous menace de famine, arguant que certains produits comme le ndagala coûtent même moins cher qu'il ne l'a été. Il appelle ses familles à regagner leur patrie, comme leurs confrères de Nyanzalak, et promet des conditions de vie acceptables, comme les autres Burundais. Il avertit aux résidents de Nyabigina qu'il est strictement interdit de s'accaparer de ces parcelles qu'ils avaient cédées pour l'aménagement de ce village d'Opé. Jean-Pierre Misago, depuis Makamba, Radio Isanganiro. Merci Jean-Pierre Misago. Les anciens commerçants du marché de Djabé souhaitent la réouverture rapide de ce marché. Ils font savoir qu'ils travaillent à perte depuis leur déplacement suite aux travaux de réhabilitation de l'ancien marché. Ces travaux prendront probablement fin au mois de novembre, comme le confirment ceux qui exécutent ces travaux. Les détails avec Karine Boutoui. Ce qui s'observe à ce marché de Djabé, c'est que les travaux de construction sont en cours. Les murs construits en dur à l'aide des briques et du ciment sont sur le point d'achèvement. Parmi les travaux restants figure la finition de la toiture et le fait de cimenter les latrines. Cela a été affirmé par le chef de chantier, même s'il n'a pas voulu s'exprimer à nos micros. Après, ce sera le tour des commerçants pour y construire leur kiosque. Les anciens détenteurs des places dans ce marché, interrogés par la radio Isanganiro, expliquent que là où ils sont, travaillent à perte. Je dirais qu'il n'y a pas d'avantage car la plupart ont perdu leurs biens ainsi que leurs clients du fait qu'on nous a éparpillés ici et là, ce qui a fait que les clients ne savent plus où nous trouver. Nous demandons tout simplement qu'on retourne au marché aussitôt qu'il soit terminé d'être reconstruit. L'un des commerçants interrogés affirme que ceux qui vont travailler dans ce marché se sont déjà inscrits. On est en train d'opérer de nouveaux transferts. On attend jusqu'à maintenant, mais nous ne savons pas que nous aurons les places que nous avions auparavant. En ce moment, on nous donne de nouveaux numéros et à ce que je vois, les travaux avancent rapidement. De telle manière, si rien n'empêche, nous pourrions entrer dans le marché à la fin de cette année. Certains marchés de la capitale Bujumbura sont en cours de construction au moment où les responsables ont affirmé que les travaux de réhabilitation vont se terminer au mois de septembre de cette année. Karine Botoyé, éducation à présent, plus de 230 salles de classe et plus de 4500 bancs pupitres, tel est le besoin exprimé dans le secteur de l'éducation dans la seule commune de Guitéragny à la veille de la prochaine rentrée scolaire. Lors d'une réunion de tous les partenaires de l'éducation en Provence et Muyinga ce vendredi, il a été suggéré la coopération entre les administratifs, les directeurs et les parents pour trouver des solutions à ces questions. Dieudonné Zeyman. Entre ce défi qui hante le secteur de l'éducation à la veille de la rentrée scolaire, c'est l'insuffisance des enseignants, les bancs pupitres et les salles de classe. Dans cette commune de Guitéragny, on évoque un besoin de 236 salles de classe, plus de 160 enseignants et 4604 bancs pupitres. Jadot Jokeya, directeur de l'enseignement en commune de Guitéragny, demande aux partenaires d'intervenir pour éviter que des écoliers continuent à s'amasser dans des classes ou s'asseoir sur des pierres, comme c'est le cas à l'école fondamentale de Tchagakori dans cette commune. Dans toutes les communes, les directeurs de l'enseignement ont évoqué de tels besoins. Amédée Misago, député élu de la circonscription de la province Muyinga, demande la participation des parents au CERSKE pour l'achat des bancs pupitres. Le sénateur Idéphonse Naoumounda, quant à lui, prône la limitation des naissances pour que dans l'avenir soit résolu le problème de l'insuffisance des salles de classe. Pour Blaise Pascal Misago, directeur de l'enseignement en province Muyinga, la synergie entre administratifs, directeurs d'école et les parents permettra d'apporter quelques-unes des solutions à ces problèmes et à cet effet, les parents doivent comprendre que désormais l'école est communautaire. Dieudonné Nzeyimana, Muyinga Radio, Isanganiro. Merci Dieudonné Nzeyimana. On continue ce journal avec ce parent d'élève. qui s'inquiète que le banditisme qui s'observe aujourd'hui peut s'aggraver si rien n'est fait. En faveur de plus de 80 000 élèves qui n'ont pas réussi au concours de la 9e fondamentale et de la 10e année, qui vont passer une année sans encadrement. Cette inquiétude, je le disais, a été exprimée par Zigami Emmanuel, un des parents préoccupés par cette question. Il a un enfant qui a échoué à ce concours. Zigami Emmanuel demande aux autorités de ce pays de revoir cette mesure. Suivez Emmanuel Nzigami, traduit par Didier Nyonzima. J'ai aussi un fils qui a échoué au concours. Il est à la maison. Quand j'ai entendu qu'il y a un effectif de 80 000 enfants qui sont dans la même situation que mon fils, j'ai éprouvé un sentiment de tristesse suite aux conséquences néfastes que vont affronter ces enfants. Si je prends un exemple, des nouveaux-nés étaient trouvés dans des poubelles au moment où ces enfants n'avaient pas suffisamment de temps pour s'adonner au libertinage. Alors comment est-ce que cela va se passer avec cette situation? C'est la première question que je me suis posé. La deuxième question, pour les garçons, nous savons qu'il y avait des cas de banditisme, de raquettes à l'endroit des gens qui passent dans les rues et d'autres crimes. Ainsi, on peut se demander ce qui va se passer si ces crimes vont être vus à la hausse. Alors, selon vous, qu'est-ce qui doit être fait pour épargner ces enfants? En vérité, même les années antérieures, les enfants échouaient au concours. On pouvait demander des places pour le redoublement et ces enfants pouvaient réussir par après. Mais actuellement, la situation va être difficile, d'autant plus que ces enfants qui vont rester à la maison sont encore très jeunes, notamment pour effectuer des travaux durs, même si certains d'entre eux peuvent décider de travailler. Ainsi, je lance un appel aux autorités de revoir cette mesure, de l'étudier profondément pour éviter la rue aux enfants. Et quatre personnes sont au cachot de la police au chef-lieu de la commune Wuguenyuzi en province Karuzi sous la protection de cette police, comme l'expliquent les responsables et l'administrateur communal. Ces derniers confirment que ces personnes avaient failli être tuées par la population qui les accuse de sorcellerie. L'administrateur communal de Wuguenyuzi affirme qu'ils ont déjà commencé la campagne de sensibilisation pour que la population puisse abandonner l'esprit de se faire justice. Blaise Pascal Kararumi. Quatre personnes composées de trois hommes et une femme sont au poste de police du chef-lieu de la commune Wuguenyuzi, province Karuzi, depuis plusieurs jours. Et les responsables de la police et de l'administration communale indiquent que ces personnes sont sous la protection de la police après qu'elles aient failli être tuées par la population. Ces personnes sont les habitants des collines Gwimbogo et Kabgila de cette même commune et elles ont été menacées d'être tuées après qu'un certain Kansejan ait été tué et son corps brûlé par la population à la sous-colline Narika de la colline Mugovoka de cette commune. L'administrateur spécial Gake Churu, accompagné de deux parlementaires de cette commune, ont fait ce mardi passé une descente sur cette colline où vient d'être farouchement tué cet homme. Dans cette réunion avec la population de cette colline, ils ont signalé que sur 22 collines de cette commune, il y a des personnes qui sont menacées d'être tuées, accusées de sorcellerie. L'administrateur spécial indique qu'ils ont déjà entamé cette campagne de sensibilisation pour que la population puisse en découdre avec l'esprit de se faire justice, mais aussi éviter les croyances à des forces spécieuses. L'administrateur indique que ces personnes sont des fois tuées sous cause de conflits fonciers et après on les accuse de sorcellerie. Il a été constaté que 22 personnes ont été tuées par la population les 6 mois passés dans la province de Karoussi, comme cela est montré par le rapport de l'antenne provinciale du désarmement et de lutte contre les violences armées dans la province de Karoussi. Karoussi, Blaise Pascal Kararumiye pour Radio Isanganiro. Brève sportive pour boucler l'actualité nationale. Dans la compétition paralympique qui se déroule depuis le 10 du mois en cours à Rio au Brésil, aujourd'hui, c'est le tour d'un athlète burundais. Il est amputé d'un bras. À 23h20, heure de Bujumbura donc, l'athlète Nicomimeze Remy va compétir sur 1500 mètres avec 13 autres athlètes provenant de 12 pays, dont 9 du continent africain. Et en actualité internationale, des militants écologistes ont tenu un rassemblement ce vendredi 16 septembre contre la construction d'un chemin de fer sur une partie du parc national de Nairobi au Kenya. Des riverains de cette réserve animalière ont participé à la manifestation dans la capitale kenyane. Le projet de chemin de fer d'un coût de 3 milliards de dollars est une initiative du président Uhuru Kenyatta. La ligne ferroviaire va relier la ville côtière de Mombasa à Nairobi, une distance de 482 km. Le gouvernement kenyan a récemment annoncé la construction d'un pont sur la partie du parc se trouvant sur le passage du chemin de fer. Mais les militants écologistes se plaignent de n'avoir pas été consultés à temps par le service public chargé des réserves animalières au Kenya. Ils ont déposé une pétition contre le projet présidentiel auprès des responsables de ce service et ont proposé d'autres itinéraires pour la ligne ferroviaire. Et le Haut-Commissariat aux réfugiés de l'ONU, HCR, a indiqué vendredi que plus d'un million de personnes ont fui le Soudan du Sud à cause de la guerre civile qui ravage le pays depuis décembre 2013. Le chiffre total comprend aussi les 185 000 personnes qui ont fui le pays depuis l'éclatement de nouvelles violences en juillet. Environ 1,61 million de Soudanais du Sud ont quitté leur foyer pour se réfugier dans d'autres régions du pays. Par ailleurs, près de 5 millions de personnes font face à une insécurité alimentaire au Soudan du Sud, selon l'ONU. Le pays a plongé depuis décembre 2003 dans la guerre civile et depuis juillet 2016, les forces loyales au président Salva Kiir et les partisans de l'ancien vice-président Riek Machar se sont livrés une guerre sans merci à Djouba, la capitale. Ainsi se referme ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à Eric Ouimana pour la mise en onde. Une bonne soirée.